Évariste Ndikomanyanga. Merci de rester fidèle à notre antenne. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Ils sont dans les mains de la police militaire à Bujumbura. Ce sont les deux militaires présumés auteurs de l'assassinat d'un motard mardi dernier sur la colline Ndago en commune Songa de la province Bururi. Cela a été dit ce samedi par le gouverneur de la province Bururi après les travaux de développement communautaire. Les conseils d'administration vont changer de nom car il a été constaté que ces derniers ne faisaient que dépenser sans toutefois générer de revenus, constat du conseil des ministres tenu mercredi lors de l'analyse d'un projet de loi portant cadre organique des établissements publics burundais. Vous aurez les détails dans le compte rendu du porte-parole secrétaire général du gouvernement. Et les techniciens des communes Kabarore et Muruta dans la province de Kayanza ont endommagé leur plantation teicole. Argan Keloté n'a pas de rendement meilleur et précise que la reprise de cette culture sera conditionnée par la revue à la hausse du prix du kilo des feuilles de cette culture. Bienvenue à cette édition dont la mise en onde est assurée par Anselme Irambona. Ouvrons ce journal par la page justice. Deux militaires présumés auteurs de l'assassinat d'un motard mardi dernier sur la colline Ndago en commune Songa de la province Bururi ont été tous arrêtés, sont dans les mains de la police militaire à Bujumbura. Cela a été dit ce samedi par le gouverneur de la province Bururi après les travaux de développement communautaire sur la colline Mutsinda de la même commune. La population de cette localité demande à la justice de faire convenablement son travail sur ce cas. Les détails avec Edzino Nzambimana. Ces deux militaires accusés d'avoir assassiné un motard la nuit de mardi de cette semaine œuvraient tous à l'école des sous-officiers de Bururi. Ils ont été arrêtés à Bujumbura et sont pour le moment dans les mains de la police militaire. Cela a été dit ce samedi par le gouverneur de la province de Bururi. C'était dans son discours après les travaux de plantation des eucalyptus dans les travaux de développement communautaire qui se déroulaient sur la colline Mutsinda de la commune Songa, province de Bururi. Colonel Rudas Banezamaso appelle la population de la commune Songa à s'atteler aux travaux de développement. Les habitants de Mutsinda qui étaient sur place ont vivement salué l'arrestation de ces présumés auteurs de l'assassinat de son motard et demandent à la justice de faire convenablement son travail pour qu'il soit puni conformément à la loi. Valentin Bagolikunda, président de la Cour constitutionnelle de la République du Burundi, qui s'était joint à la population dans ses travaux de développement communautaire, appelle la population de cette commune à sauvegarder la paix et la sécurité sur ce développement et à travailler surtout en association pour le développement de tout le pays. Depuis Mutsinda, à commune Songa de la province de Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Zeno Nzambimana, cap sur Bubanza pour parler également justice. Un conflit foncier oppose 150 ménages représentés par un certain Bavugameshi Victoire et les descendants d'un certain Matabaro, c'est sur la colline Gifugwe de la commune Mhanda dans la province de Bubanza. Les deux parties armées de Machette et de ont failli s'attaquer ce vendredi. N'eût été l'intervention de la police. Le président du tribunal de grande instance de Bubanza explique que ce procès est déjà clôturé et que même l'exécution a eu lieu. Le détail avec Space Caritas Cavagnana. Selon les deux parties, l'origine du conflit a commencé par le procès qui opposait les descendants de Matabaro qui voulaient partager leurs propriétés. Et quand le tribunal de résidence de Mhanda est arrivé sur terrain pour l'exécution, une partie qui n'était pas concernée par ce conflit a été visée par mégarde ou par ruse de la partie qui était sur place, selon les proches de cette propriété. Ce qui est également confirmé par le chef de colline Gifugwe. Et cette partie appartenait à 150 familles représentées par un certain Bavugameshi Victor, comme ils le disent. Et ce dernier a préféré se plaindre au tribunal de résidence de Mwanda. Le procès se trouve actuellement au tribunal de grande instance de Bouvanza. La partie représentée par Mavugamesh Victor dit que c'est sa propriété. Celle représentée par Matavaro dit également la même chose. Et durant toute cette semaine, les deux parties se rencontraient sur ce terrain armés de gourdins, de machettes et de houes. La police était toujours prête pour éviter les dégâts comme ça a été ce vendredi. Le président du tribunal de grande instance de Bouvanza explique que les descendants de Matavaro ont gagné pour le procès RCSA 2497 de la cour d'appel de Nahangwa et l'exécution a été faite. Spécialitas Kabanyana, Bouvanza, Radio Isanganiro. Et le gouvernement du Burundi prévoit des modifications dans l'organisation des établissements publics burundais où personne ne pourra être dans plus de deux conseils d'administration. Ça a été analysé et adopté lors du conseil des ministres tenu mercredi. Le ministre de la Justice qui a proposé ce projet a expliqué que jusqu'aujourd'hui, il existe des textes de loi qui datent de longtemps et qui ne correspondaient pas aux réalités du moment. Le législateur de l'époque n'avait pas tenu en considération la gouvernance de certaines institutions en termes d'efficacité et d'efficience, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a des conseils d'administration qui étaient mis en place et qui dépensaient beaucoup de fonds, alors qu'ils ne généraient pas de revenus d'exploitation. Suivez Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Ce projet de loi propose la suppression du conseil d'administration comme un organe de gestion. Après analyse, le projet de loi portant cadre organique des établissements publics burundais a été adopté avec les observations et recommandations suivantes. 1. Pour les institutions qui ne génèrent pas de revenus, mais où un organe d'administration est incontournable, une autre appellation à la place du conseil d'administration sera trouvée lors de l'analyse des textes d'harmonisation avec cette loi. 2. Au lieu de parler de directeur général, il faudra parler de responsable de gestion quotidienne de l'établissement. D'autant plus qu'il peut porter un autre titre qui n'est pas directeur général, tel que commissaire général, recteur ou autre. 3. Le titre du responsable sera précisé dans le décret de création de l'établissement. 4. Il faudra préciser que personne ne peut siéger dans plus de deux conseils d'administration. 5. Le responsable de l'établissement est assisté par le comité de direction dont les missions, les attributions et le mandat sont fixés par décret de création. 6. L'exercice comptable de l'établissement correspond à l'année budgétaire. 7. Le personnel permanent ou temporaire est recruté conformément au statut du personnel dans l'établissement. Le personnel permanent ou temporaire est recruté conformément au statut du personnel de l'établissement et au code du travail burundais. 8. Le statut du personnel d'un établissement public est approuvé conjointement par le ministre de tutelle et le ministre ayant les finances dans ses attributions. 9. Les revenus générés par les établissements publics à caractère administratif sont directement versés sur le compte du trésor public. 10. Préciser que l'État n'est garant des obligations contractuelles et délictuelles souscrites ou encourues par l'établissement public à caractère administratif qu'en cas d'insolvabilité et sous réserve de l'action réquisitoire. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Parlons agriculture à présent. Des plantations teicoles s'étendant sur une superficie de 27 hectares ont été endommagées par les teiculteurs des communes Muruta et Kabarore en province Kayanza. Dans une période d'une année, les teiculteurs à Muruta disent que comparativement à la flambée des prix des denrées alimentaires au marché, avec l'agriculture du thé, ils travaillent à perte. Ils demandent que le prix du kilo des feuilles vertes du thé soit revu à la hausse jusqu'à au moins 1000 francs burundais. Nahayo Richard, directeur du complexe teicole de Gwegura, tranquillise le teiculteur à Muruta qu'une commission chargée de l'augmentation du prix d'un kilogramme de feuilles vertes du thé est à l'œuvre, n'est-ce pas Patrick Saint-Guillaume? Les agriculteurs de la commune Muruta grognent beaucoup que la culture dite ne leur permet pas de se développer. Ils font savoir que les agriculteurs qui ont détruit leur champ agricole l'ont fait du fait que le prix de 350 francs burundais d'un kilogramme de feuilles vertes de cette culture est plus bas. Ngundwa Nabake Severe est un agriculteur à Muruta qui dit qu'il pratique l'agriculture d'été depuis 1973, mais qui déplore que cette culture industrielle ne lui a pas permis de se développer. Même propos avec Mawini Mana Imakire, une autre agricultrice qui compare le prix des feuilles vertes du thé de 350 francs au prix d'un kilogramme de haricots de 3500 francs et qui trouve qu'il y a une grande différence. D'autres théiculteurs à Muruta contactés font savoir que quand on arrache les théiers des plantations théicoles et qu'on y cultive des cultures vivrières comme la pomme de terre et le maïs, on gagne 20 fois que quand on cultive du thé. Les théiculteurs à Muruta trouvent que le gouvernement burundais devrait revoir à la hausse le prix d'un kilogramme des feuilles vertes du thé allant en moins de 500 à 1000 de nos francs. Odassia Chimana, administrateur communal de Muruta, a dit mais que certains théiculteurs en cette commune ont endommagé leurs plantations théicoles, mais dit avoir exhorté que pour les prochaines saisons, dans ce surface cultivable, ils soient encore cultivés des théiers. À cette doléance des uns et des autres parmi les théiculteurs de la commune Muruta, selon laquelle le prix d'un kilogramme de feuilles vertes du thé devrait être acheté à un prix variant entre 500 et 1000 francs, Richard Nahayo, gérant du complexe théicole de Wegura, tranquillise qu'une commission chargée d'étudier comment cette question pourrait trouver une solution a été déjà mise en place. Depuis Kayanza, Patrick Nsengu va pour la radio Isangani. Cap sur Ruigi, enfin, pour parler éducation, certains des parents des élèves de l'Ecofo Kirambi 1 en commune Bgeru de la province Ruigi disent que le système de cantine scolaire leur appuie beaucoup dans l'alimentation de leurs enfants et demandent que ce système puisse durer. Lors du lancement officiel ce vendredi du projet Bigebose, financé par le ministère de l'Agriculture des États-Unis d'Amérique, qui met en œuvre ce système de cantine scolaire. La première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, dit que ce projet permettra de nourrir à l'école plus de 60 000 apprenants de la province Ruigi. Les états avec Jean-Claude Chimiriman. Les écoliers de l'école fondamentale Kirambi 1 en commune Bweru de la province Ruigi sont actuellement nourris à l'école depuis le mois d'octobre dernier. Alfred Nyandui, un des parents d'élèves de cette école qui le dit, indique que ce système de cantine scolaire est un grand appui pour eux puisque des fois, les écoliers ne trouvaient pas de quoi manger à midi au retour de l'école suite à la pauvreté au sein des ménages. Ce parent affirme que ses enfants sont actuellement motivés d'aller à l'école plus qu'auparavant. Cet avis est partagé avec François Nougoubousa, membre du comité de gestion de l'école CGE, qui précise que les enfants étudient actuellement en tranquillité, ce qui fait qu'il n'y ait pas actuellement des abandons scolaires suite à la pauvreté au sein des ménages comme auparavant. Tous ces parents convergent à demander que ce système de cantine scolaire soit renforcé et qu'il puisse durer longtemps. Lors du lancement ce vendredi aux 10 établissements scolaires du projet Wigebose qui met en œuvre le système de cantine scolaire, la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, dit que ce système permet aux apprenants d'étudier sans d'autres préoccupations liées à la nourriture, ce qui diminue les cas d'abandon scolaire. Elle poursuit en disant que ce système permet aux écoliers d'avoir de bons résultats et parviennent à achever leurs études. La première dame du Burundi précise en outre que le système de cantine scolaire contribue au développement économique du pays puisque les produits vivriers utilisés sont achetés dans des coopératives de production locale. Vous saurez que plus de 60 000 apprenants répartis dans 100 écoles fondamentales de la province Ruigi seront nourris jusqu'en 2027 sur une aide de 29 millions de dollars américains donnée par le ministère chargé de l'agriculture des États-Unis d'Amérique. Jean-Claude Nshimirimana, depuis Kirambi, en commune Bweru de la province Ruigi, Radio Isanganiro. C'est par ici que se referme cette édition. Restez branchés sur notre antenne. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de la presse. Évariste Ndikomanyanga. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Plus de 130 malades mentaux sous les verrous, titre Burundi Echo. Citant le rapport annuel de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Des chiffres qui font froid au dos, selon son confrère, qui précise que plus de 13 000 personnes sont actuellement privées de liberté. Parmi elles, des malades mentaux. Et les commissaires de la CNIDH ont pu recenser 134 personnes avec des troubles mentaux détenues dans tous les établissements pénitentiaires du pays. À l'heure actuelle, il n'y a pas de loi spécifique en matière de protection des droits humains dans le domaine de la santé mentale, déplore Psychologue sans vacances dans les colonnes de ce journal. Burundi Echo note malgré tout une lueur d'espoir qui se profile à l'horizon avec le projet de code de santé mentale en cours d'élaboration. En début de cette année, souligne cet hebdomadaire socio-économique, le document portant protection juridique des personnes atteintes de troubles psychosociaux et de maladies psychiatriques graves a été validé et a été soumis à une commission restreinte multisectorielle pour une dernière lecture. La voix de l'enseignant rapporte la réunion des représentants du syndicat CONAPES dans toutes les écoles secondaires publiques à mairie de Bujumbura, une réunion tenue mercredi 21 février 2024 dans les enceintes du lycée Notre-Dame de Rohero. Comme l'écrit son confrère, le but de la réunion était d'échanger sur l'état des lieux des questions qui minent l'enseignant après la suspension des cotisations syndicales à la source, au niveau de la fonction publique. Entre autres questions débattues, à quand le passage de la Fondation pour logement des enseignants à la microfinance? Selon Emmanuel Machandari, membre du conseil d'administration, toutes les conditions qu'exige la Banque de la République du Burundi sont en train d'être remplies pour que la FLE soit une microfinance de troisième catégorie, indique ce journal. D'après lui, poursuit la voix de l'enseignant, il y a d'autres formes de microfinance des enseignants qui sont en train de naître, promettant monts et merveilles aux enseignants pour les attirer dans leur giron. Ceci constitue d'emblée une concurrence déloyale aussitôt qu'ils tiennent leurs enseignements dans la diffamation et diabolisation de la FLE. Et pour conclure, écrit cet hebdomadaire de l'éducation, la clé de mise au travail de la FLE reste dans les mains de la BRB. Sinon, selon le président du syndicat CONAPES, les fonds sont prêts pour être donnés aux demandeurs. Seule l'autorisation manque. Revue de la presse. Plus de 600 enfants non enregistrés à l'état civil en commune Guiheta, rapporte l'agence burundaise de presse. En effet, écrit la BP, cette commune de la province Gitega accuse un effectif de plus de 600 enfants non enregistrés dans les livres de l'état civil, comme l'a révélé mercredi 21 février 2024 l'agent communal du Centre de développement familial et communautaire, Béatrice Wigrimana, au cours d'un atelier organisé par la CDH, une association militant dans la promotion et la protection des droits de l'enfant. Elle regrette dans les colonnes de son quotidien que ses enfants encourent des difficultés comme le non-accès aux actes donnant accès à la gratuité des soins de santé dans les structures de santé publique, à la scolarité gratuite, à la carte nationale d'identité, à l'héritage des biens familiaux et la paternité, etc. SOS des chèvres à Nyanzalak, des dizaines déjà ravagées par des chiens errants dans cette localité, alerte Net Press. La colline la plus touchée par ce phénomène est celle de Nyabigina, en zone de Kawonga de la commune Nyanzalak, dans la province méridionale de Makamba, et cela depuis le début de ce mois de février, précise ce journal. La population demande aux autorités administratives de leur accorder une permission afin d'abattre ces chiens sans maître vivant dans la brousse et qui constituent aujourd'hui une menace pour elle, souligne ce quotidien à ligne. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.